Le mal est fait, bien dans sa voix. Zoom, zoom, rather right around and zoom, zoom, right along. Quand nous étions jeunes, oh. Jeunes nous étions. On va peut-être reprendre. Allez, 1, 2, 3, 4. Quand nous étions jeunes, allez-y. On rêvait de l'amour, de filles de son herbe. Quand nous étions jeunes, de l'Hollande, de ses filles de joie et de son herbe électronique qui nous propulsait dans une autre sphère et l'envoyait au monde de paix. Et nous propulser. Non, non, mais tout, tout. C'est pas rien. La fin, c'est. Quand nous étions jeunes. Oh yes. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Mais t'es bien con, mon pote, t'es bien con. Hey, putain, hey. Ça enregistre, bordel. Quand nous étions jeunes, oh, mais putain. On rêvait de l'onde. Fille de son herbe. Deuxième machin. Ah oui, d'accord. La sauce. Quand nous étions jeunes, nous rêvions de l'Hollande, de ses filles et de son herbe, et nous propulser dans l'atmosphère et l'a envoyé un monde de paix. Nous avions des rêves, un mini personne pour les détrôner. Aujourd'hui, les rêves sont balayés par les profiteurs aux mains argentées. Volant nos pouvoirs, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que cela va changer? Non, ça refait. Hey, en duo. Quand nous étions jeunes, n'a pas de plus. On rêvait de l'Hollande, des filles sans herbe, des filles sans herbe. Voilà, voilà, comme ça, on va le faire. Tu le fais et après je refais par derrière. Allez, vas-y. Quand nous étions jeunes, quand nous étions jeunes, on rêvait de l'onde, on rêvait de l'Hollande, des filles que son herbe, des filles de son herbe, qui nous propulsaient dans une autre sphère, dans une autre sphère, dans une autre sphère, et là on voyait un monde de paix. Une éternité. Nous avions des rêves. Nous avions rien des rêves. Rien ni personne. Pour les détrôner. Pour les détrôner. Aujourd'hui, les rêves sont bien balayés par des profiteurs aux mains argentées. Au Hollande au pouvoir. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que cela va changer? Qu'est-ce que cela va changer? Qu'est-ce que cela va changer? Ouais. Allez, on se la refait pour la peine. Oh là là. Ouh ah. Ouh là là. C'est que ça coule. Oh ah. Oh oh ah. Oh oh oh ah. Oh oh oh. Quand nous étions jeunes, on rêvait de l'Hollande, de filles de son herbe qui nous propulsaient dans une autre sphère. Et là, on voyait un monde de paix, une éternité. Nous avions des rêves, amis, personne pour les démonter. Aujourd'hui les rêves sont bien balayés par des profiteurs aux mains inventées. Par leur beau pouvoir, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? T'auras peut-être une meilleure haleine. Oh, haleine de. Haleine de. Quand nous étions jeunes, un rêve de l'Hollande. Allez-y, comme ça. Vas-y, c'est toi qui arrives. Nous étions jeunes et jeunes nous étions. Rêvions-nous de l'onde, de femmes et de l'air. Que nous profitions de tout ça, mais maintenant il n'y a plus rien que des connards aux mains salées. Nous étions là comme des cons à plaisanter sur nos opinions. Oh. La dernière, là. Allez, la dernière. Con. Ouais. Un, deux, trois, quatre. Con, nous étions jeunes. Un monde de paix. va changer. Qu'est-ce que ça va changer? Allez, là ça va bien, mais un peu plus fort. Allez, on y va. Va changer. Comme nous étions. Quand nous étions jeunes. Jeunes nous étions. Quand nous étions jeunes. On rêvait nos langues. Qui nous propulsait dans une autre sphère et là on voyait un monde de paix, une éternité. Nous avions les rêves et rien ni personne pour les démonter. Entre parenthèses, les détrôner. Aujourd'hui, les rêves sont bien balayés. Il n'y en a pas une de bonne. Il n'y en a pas une de bonne, là ? Allez, allez, on y va, là, c'est... Mais arrête de rire comme un con, putain. Et quand c'est bon, voilà, machin, il te pète les couilles. Quand nous étions jeunes, on rêvait de l'onde, des filles de son herbe qui nous propulsaient dans une autre sphère, et l'envoyer un monde de paix, une éternité. Nous avions des rêves, et personne pour les détrôner. Aujourd'hui les rêves sont menacés par des profiteurs. On a chanté au land of power. Jeunes, on rêvait de l'Hollande. Quand nous étions jeunes, on rêvait de l'Hollande, des filles de son âme qui nous propulsaient dans une autre sphère. Et là, on voyait un monde de paix, une éternité. Nous avions des rêves. Oh oui, des rêves. Des rêves et des rêves. Mais surtout, rien ni personne pour les détrôner, pour les démonter. Mais aujourd'hui, les rêves sont bien balayés. Oh, par ces profiteurs aux mains argentées. Mais aujourd'hui, Hollande au pouvoir. Voilà, Hollande au pouvoir. Qu'est-ce que cela va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose. Qu'est-ce que ça va changer? Quand nous étions jeunes. on rêvait de Hollande. Alors, tu vois, ce qui va se passer, c'est... Je vais t'en mettre une et voilà. Tu vas faire sortir. Alors, attends, tu vois, là, je fais comme ça, là. Là, pendant ce temps-là, ouais. T'as le temps de dire « Quand nous étions jeunes... » Et là, je fais... Et après, on continue. On rêvait de Hollande. Et puis des joies et de l'herbe facile. Bon, d'accord ? Ok, allez, on est parti. Quand nous étions jeunes, on rêvait de Hollande. Des filles de son herbe qui nous propulsaient dans une autre sphère. Et là, on voyait un monde de paix. Une éternité, nous avions des rêves. Rien, non, ni personne pour les détrôner. Ta gueule! Quoi? Toi? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Tranquille. Eh hey, monsieur, on s'y remet. C'est parti, mon kiki. Quand nous étions jeunes. Eh, hey, vas-y. Quand nous étions jeunes, on rêvait de Hollande, des filles de son herbe qui nous propulsaient dans une autre sphère. Elle envoyait un monde de paix, une éternité. Nous avions des rêves, rien et personne pour les détrôner. Aujourd'hui, les rêves sont bien. Oh, sont bien. Ils sont bien, ils sont bien balayés par des profiteurs aux mains argentées. Par des profiteurs. Qu'est-ce que ça va changer? Oh, qu'est-ce que ça va changer? Oh, mais qu'est-ce que cela va changer? Non, pas tout, monsieur Merlou. Quand nous étions jeunes. Bon, on peut reprendre? Ouais, on y va. J'en ai. Hey! Ouais, Walls! Tu vas tranquille. Ouais, sérieux. T'as pas besoin d'aller vite. Je fais ta ta ta, t'attends que je fasse ta ta ta. Tu fais non non non non air. Moi je fais. Après. Tu le sais. D'accord. Allez, tranquille. Et tu continues avec ton. Ça va peut-être te donner un peu de. Quand nous étions jeunes, on rêvait d'Hollande, des filles de son herbe qui nous propulsaient dans une autre sphère et la convoyait un monde de paix. Une éternité, nous avions des rêves, rien ni personne pour les détrôner. Aujourd'hui, les rêves sont bien balayés par des profiteurs aux mains argentées. Hollande au pouvoir, qu'est-ce que cela va changer? Qu'est-ce que cela va changer? Oh, mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que cela va changer? Alors, version moi. Tu vois? étions jeunes. Quand nous étions jeunes, on rêvait de l'Hollande, de ses filles et de l'air européen. Quand nous étions jeunes, nous rêvions de l'Hollande, de ses filles, de son air qui nous propulsait dans une autre sphère. Aux mains jantées, au lent de pouvoir, qu'est-ce que cela va changer ?